17, 22, observation, les uns et les autres, on, révision et extension. En France, les gens parlent français. En France, tout le monde parle français. En France, on parle français. C'est drôle, les idées qu'on a quand on est petit. On ne dit pas ça. On est un équivalent de tout le monde, les gens en général. C'est un pronom sujet de la troisième personne du singulier. Mon frère et moi, nous habitons au quartier latin. Mon frère et moi, on habite au quartier latin. Dans le style familier, on peut être un équivalent de nous.